gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur, notre Sauveur. J'espère que c'est bon. Donc, le dimanche passé, le pasteur m'a demandé d'assurer pour ce dimanche. Alors, il n'allait pas être là. Donc, je n'ai pas refusé, j'ai accepté. Parce que pour le service du Seigneur, même quand c'est chaud, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas. Voilà. Il faut toujours se donner. Voilà. Même si c'est petit quelque chose, Dieu a un peu toujours pour nous. Voilà. Et je crois que j'ai trouvé un peu aussi pour partager. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Malgré en tout cas, les situations difficiles que notre pays traverse, alors je pense que lorsqu'on regarde l'actualité, c'est difficile. Et même si on regarde dans le monde, là, si on suit l'actualité, on ne peut que conclure, comme Jésus l'a dit, les temps sont mauvais. Alors, les temps sont mauvais. Et il faut examiner ou bien voir chaque situation par rapport à la parole de Dieu, confronter pour pouvoir en toi être bien enraciné. Donc ce matin, nous allons aussi examiner un passage où c'était à peu près les mêmes difficultés, voilà, les mêmes épreuves, les tribulations, ou bien des questions qui se sont posées à cette église, voilà, de cette époque. Même si aujourd'hui, nous aussi, on peut se trouver face à d'autres phénomènes, en tout cas, qui peuvent nous influencer, voilà, qui n'étaient pas en ce temps. Mais je pense que, bon, comme le dit le roi Salomon, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Voilà. Donc, c'est vrai, les situations... Il y a d'autres phénomènes qui se posent à notre époque, peut-être qui n'étaient pas là, mais si on regarde au fond, bon, c'est à peu près voilà, la même chose. Donc, si nous suivons l'actualité, on se rend compte que c'est difficile. Voilà. De nos jours, avec le terrorisme, c'est pas facile. Notre pays qui est attaqué à tout moment. On voit, c'est presque chaque jour, quand je me réveille, quand je vais rentrer dans l'information, je m'attends à ce qu'on me dise, voilà, qu'il y a eu attentat. Parce que c'est comme c'est devenu naturel. Voilà. Donc vraiment, souvent, ça nous influence. Parce que c'est vrai que nous sommes chrétiens, nous sommes dans la société. Nous ne sommes pas en marge, voilà, de ces situations qui peuvent aussi jouer sur nous. Voilà, parce que ça peut nous choquer moralement, voilà, et ça peut nous amener à nous poser beaucoup de questions. Et également, si on regarde le côté scientifique, on voit que le monde évolue à une vitesse pas possible. Voilà, technologiquement, c'est une vitesse pas possible. Et souvent, sur le plan scientifique, il y a des choses qu'on voit, ça peut jouer sur nous. Voilà. Comme le frère Lassner est là, bon, c'est eux qui sont dans le domaine scientifique, qui créent souvent certaines choses où ça peut nous amener à nous poser beaucoup de questions sur ce que Dieu même a créé. Parce que l'homme prend et crée autre chose et on se demande, mais pourquoi? Voilà. On va voir un chat à deux têtes et huit pattes, des trucs bizarres comme ça. Voilà. Ou bien un cheval avec la tête, c'est un coq. Voilà. Des trucs, c'est bizarre. Voilà. La dernière fois qu'on était au mariage de Michael, nos portables étaient déchargés. Donc je disais à Dramane et à Paulin, je dis peut-être un jour ça va arriver. Là, on allait appeler à Ouara pour nous dire envoyez-nous 100 francs d'unité d'énergie. Et ça va venir rentrer dans nos portables pour qu'on puisse avoir l'énergie. Voilà. Et on était en train de... On dit, mais c'est possible. Voilà. Parce que dans l'ancien, notre monde, il y a des choses qui pouvait penser que aujourd'hui avec les portables, l'internet, tout ça, on pouvait communiquer facilement comme ça, sans. Alors que dans l'ancien temps, c'était plus compliqué, mais la technologie a tellement évolué. Voilà. Et de nos jours même, on s'en fout des réseaux, hein. Il y a le WhatsApp. Quand j'étais à Abidjan, les gens utilisaient WhatsApp plus que les réseaux. Les gens communiquent, appellent, tout c'est par WhatsApp. C'est-à-dire, on laisse les réseaux. Voilà. C'est-à-dire, chez nous, c'est vrai, on allait utiliser le réseau pour avoir les unités, mais hormis ça, on ne va pas prendre nos unités pour mettre des unités comme les unités Airtel ou bien Telmob. Non, non. Si on a nos mégas, on communique sans. Voilà. Donc, on voit que le monde évolue avec une vitesse pas possible. Et il y a une fois aussi, on a regardé un documentaire. Voilà. Je pense Draman avait regardé. On parlait des, je pense que c'est les transsexuels, les Katoy. Voilà. Et ils avaient fait un festival là, en Thaïlande, qui est la capitale mondiale de ces Katoy-là. Voilà. Le jour quand j'ai regardé ce documentaire, franchement, la nuit, je n'ai pas dormi. Je me suis posé pas mal de questions. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi? On se rend compte qu'il y a une opposition entre le corps et l'esprit. On voit quelqu'un qui est homme, mais il dit que lui, il a un esprit de femme. Il ne pense que femme. Mais son corps, tout est homme, il a un sexe masculin, tout, mais il ne pense que femme. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Dieu a créé l'homme et la femme. Mais comment est-ce que c'est possible qu'on ait un corps masculin, mais avec un esprit féminin? Franchement, ça mettait en cause même la création de Dieu. Je me dis, mais comment est-ce que c'est comme ça? Et ces gens étaient en train de se faire opérer à coup de millions, transformer le sexe masculin en sexe féminin. Donc il y a un médecin qui est là, mais ça coûte cher. On opère, voilà, et on transforme le sexe masculin en sexe féminin. Et il y avait des petits garçons, parce qu'il y avait une vedette qui est vraiment mondiale, mais c'était un garçon, mais elle s'est transformée en femme. Et tous les petits Thaïlandais voulaient devenir comme cette. Bon, je ne vais pas dire cette d'un parce que franchement, je ne vais pas dire qu'elle est femme. Voilà, je ne vais pas dire qu'elle est femme. Mais ils étaient en train de. C'est comme si c'est une promotion de l'immoralité. Voilà, ils étaient en train de vouloir devenir comme cette dernière. Donc, les petits garçons de 8 ans, 10 ans, ils commençaient déjà, on fait les démarches de femmes, on apprend à faire les démarches de femmes. On peut payer des médicaments qui ont des hormones. Féminine, on injecte, tu commences à pousser des seins, voilà. Et après ça, ça évolue, les cheveux deviennent plus longs. Et à un moment donné, on est femme. Et je vous assure, ils sont souvent plus belles que les femmes. Une beauté incomparable. Il y a des paquets de thé venant de Thaïlande où on dit slim, ça maigrit. Une fois, j'ai vu dans une publicité, la fille est jolie, elle est taille fine, mais c'était un garçon. C'était un carton. Donc, vous voyez, notre monde, il y a des questions, il y a des phénomènes bizarres auxquels nous sommes confrontés. Et lorsque nous regardons cela à la lumière de la parole de Dieu, nous devons nous attacher plus à notre foi parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous influencent, et surtout sur le plan technologique, et c'est pas facile pour nous. Parce que c'est comme si on défie Dieu. Voilà, on défie Dieu. C'est comme ce qu'on disait dans l'ancien temps avec la révolution industrielle. C'est la croyance en la toute-puissance de la science, c'est ça. Voilà. Donc vraiment, ce sont des choses, quand on regarde ça nous influence. Et on se pose pas mal de questions en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous qui connaissons la parole de Dieu. Donc ce matin, nous allons lire dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, où nous voyons là-bas que l'apôtre Paul qui avait écrit à cette église, parce qu'il y avait eu pas mal de difficultés, voilà. Il y avait des questions concernant le mariage, les viandes sacrifiées, les dons spirituels, les collectes, et même la Sainte Cène, voilà, où l'apôtre Paul vraiment a écrit parce qu'il était affligé en recevant les nouvelles de l'église de Corinthe. Donc, c'est pourquoi il a écrit. Voilà. Et le passage que nous allons examiner, c'est à la fin de l'Épître, c'est le chapitre 16, les versets 13 et 14. Corinthiens chapitre 16, les versets 13 à 14. Donc si nous l'avons trouvé, nous pouvons le lire si quelqu'un peut. Nous allons lire dans les deux versions, 8 secondes. Le réveil ne marche pas, hein. Donc il faut que je regarde. Il est 9h là-bas alors qu'il est 10h. Ok. Oui, oui. Amen. Français courant. Oui. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez courageux, soyez forts. Agissez en tout avec amour. Ok, merci. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, donc j'avais un peu brossé le contexte. Voilà. Donc, il y avait ces questions qui se posaient où l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe. Voilà, même il y a cette église qui était influencée par beaucoup de courants philosophiques. Voilà. On a même remis en question la résurrection des morts. Et l'apôtre Paul a écrit. Voilà. On sait que Christ est ressuscité, mais il y a d'autres gens. Mais est-ce qu'ils étaient vrais? Est-ce que Christ ou bien est-ce que ceux qui ressuscitent sont vraiment morts? Voilà. Donc vous voyez, bon, souvent ce n'est pas facile avec les scientifiques aussi. Hein. Même quand on dit que quelqu'un est ressuscité, ça. On pose beaucoup de questions d'abord avant d'accepter. Alors qu'ici, on est dans un cadre, c'est dans le domaine spirituel, ça échappe à toute idée scientifique ou bien, voilà, ça va au-delà de la science. Voilà. Et l'apôtre Paul a écrit, voilà, pour démontrer cette résurrection des morts. Voilà. Donc, il y a ces questions qui se posaient à cette église et qui a amené l'apôtre Paul à écrire. Et vers la fin, donc, les passages que nous avons lus, l'apôtre Paul, c'est comme s'il a fait une recommandation, sa dernière recommandation, pour permettre à ces chrétiens de Corinthe de pouvoir s'attacher, mais rester fidèles, de pouvoir triompher. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé le message, mon exhortation, des commandements pour triompher dans notre marche avec Dieu. Voilà, donc c'est des commandements qu'il a donnés. Donc, nous allons d'abord examiner le verset 13, ensuite le verset 14. Dans notre première partie, c'est le verset 13, et la deuxième partie, c'est le verset 14. Dans la première partie, j'ai intitulé les dispositions commandées ou bien les comportements commandés par l'apôtre Paul. Et la deuxième partie, l'amour, la base de toutes nos actions. Donc, nous allons rapidement avec la première partie. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, si on regarde le verset 13, voilà, il dit « Veillez, demeurez ferme dans la foi ». Je suis dans la version française courant. « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts ». Verset 14, « Agissez en tout et avec amour voilà. ». Donc, il donnait des commandements, si on regarde, c'est à l'impératif. Voilà. Donc, c'est des commandements qu'il donne pour aider, en tout cas, ces chrétiens de Corinthe. Et aujourd'hui encore, ces commandements aussi nous sont adressés voilà, pour nous permettre d'être forts et de pouvoir triompher dans notre marche avec le Seigneur. Il a dit, ou bien il a ordonné aux Corinthiens de veiller. Voilà. Donc, veiller. Voilà. Ça suppose soit, bon, on définit soit on se prive de sommeil voilà, pour veiller, ou bien le deuxième sens, c'est faire attention, c'est prendre garde. Voilà. Donc je pense que les deux vaut autant bien pour nous. Voilà. Je pense souvent on fait des veillées pour prier, pour s'édifier. Et aussi, il faut faire attention à tout ce que voilà, nous vivons, bien à nos actes, et à tout ce que nous posons comme actes. Donc, on pourrait se demander pourquoi veiller. Voilà. Pourquoi veiller? Nous devons veiller parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, c'est ce qui est dit. Voilà. Il faut veiller voilà, parce que le diable rôde. Voilà. Il rôde parce que l'ennemi, il n'a plus affaire à ceux qui sont dans son camp parce qu'eux, ils sont déjà gagnés. Mais les enfants de Dieu, chaque fois, ils rôdent parce qu'ils cherchent à nous faire tomber. Ils cherchent à nous détruire, à nous détourner de la voie de Christ. Donc, nous devons veiller. Et souvent, il y a certaines questions qui se posent. Voilà, si on ne fait pas attention, si on ne veille pas, on risque de se détourner. On va se détourner de la voie de Dieu. Nous devons aussi veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Voilà. Parce que souvent, ça vient un petit à petit. Voilà. Comme Dieu avait dit à Caïn, le péché est à ta porte, si tu ne fais pas attention. Voilà. Donc, quand il n'a pas veillé, et on a vu ce qui est arrivé. Donc, souvent, ça vient doucement. Et si on ne veille pas, on tombe dans la tentation. Voilà. L'ennemi est très malin. Voilà. Souvent, il sait que s'il vient peut-être de façon frontale, voilà, tu pourras savoir. Donc, souvent, c'est des ruses. C'est pourquoi la Bible parle des ruses du diable. C'est des ruses et puis petit à petit, on tombe. Voilà. Il y a un de nos professeurs à l'université qui nous disait que si tu es assis, si le diable t'invite à sa table, voilà, et puis il y a tout, même s'il il te dit non de venir, ce que je suis, je ne serai pas à côté. Et si tu acceptes, si tu viens à la table, et puis on peut dire que la table est aux États-Unis, par exemple, et puis il y a tout dessus. Et puis il te dit, non, ce n'est pas la peine que tu viennes, je donne une longue fourchette. Voilà, donc tu restes au Burkina avec une longue fourchette, et puis tu piques sur la table aux États-Unis là-bas, et puis tu manges. Mais que, mon type, si tu acceptes prendre la fourchette, sois sûr que tu vas te trouver nez à nez avec lui à la fin. Voilà, c'est pour dire, en temps, la fourchette va disparaître, tu vas te trouver nez à nez avec le diable sur la table, parce qu'il est très malin. Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons veiller parce que nous devons avoir cette sagesse. Les ruses que l'ennemi met devant nous, nous devons être capables de les déceler par le Saint-Esprit voilà, qui est en nous et pour pouvoir, en tout cas, éviter de tomber dans la tentation. L'apôtre Paul avait demandé à Timothée, dans 1 Timothée 4, le verset 16, il a ordonné à Timothée de veiller sur lui-même voilà, et de veiller sur son enseignement. Donc, c'est pour dire, si tu ne veilles pas sur toi-même, c'est vrai, on a Dieu avec nous, mais tout, il y a notre part à faire. Voilà. Donc, nous devons veiller sur nous-mêmes avant que Dieu même ne nous aide. Parce que sinon, on se laisse aller. On sait que Dieu ne touche pas à la volonté de l'homme. Si tu décides d'aller, Dieu te laisse. Voilà. Mais Dieu te parle pour que toi-même tu prennes la décision de revenir et de te détourner sur ta mauvaise voie. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui va venir t'empêcher ou même te... Voilà. Si tu as décidé quelque chose, Dieu te laisse aller parce qu'il ne touche pas à la volonté de l'homme. Il laisse l'homme libre de décider. Voilà. Donc ça, c'était... Le fait que l'apôtre Paul a ordonné à ses chrétiens de Corinthe de veiller. Voilà. Il a aussi ordonné, deuxième commandement, de demeurer ferme dans la foi. Demeurer ferme, ça signifie quoi? Ça veut dire on demeure inébranlable dans notre foi. On ne doit plus faire marche arrière. Voilà. On a choisi Christ, il faut foncer. Voilà. Parce que si tu retournes, c'est pas sûr que derrière là, c'est grave. Donc, il faut foncer. Voilà. Parce que devant, il y a le bonheur, il y a la vie éternelle qui nous attend. Donc, il n'y a pas à retourner. Donc, on doit être ferme. Voilà. Souvent, nous manquons de fermeté. Voilà. Souvent, on veut vivre, c'est ce qu'on appelle la désinvolture. C'est pour dire une vie de désordre. Quand on est content, bon. Ou bien quand Dieu nous fait du bien, on vient, on est content, voilà. On est là, deux jours, si les choses tournent mal, bon, on commence à chercher autre chose, ou bien, bon, on est découragé. Et ce qu'on faisait pour Dieu, on abandonne tout parce que, voilà. Donc là, on n'est pas ferme. Voilà. Quand on est ferme dans notre foi, même quand c'est dur, on doit foncer. Voilà. On doit foncer parce que Dieu est avec nous et il ne va pas nous laisser. Voilà. Mais si on se décourage, c'est comme l'armée. En toi, les chrétiens, nous sommes des soldats. Voilà. La Bible même le dit, nous sommes des soldats en Christ. Voilà. Donc un soldat, quand c'est chaud, tu vois, sinon, ils ont leur technique, on dit on replie, mais on n'abandonne pas. Il faut replier, mais après on attaque. Voilà. On replie pour examiner, pour voir comment, voilà. Ou même si les stratégies qu'on avait utilisées, ça ne marche pas, on replie. Voilà. Mais on n'abandonne pas. Voilà. Je pense que c'est. Il y a des gens qui ont envoyé sur WhatsApp le communiqué du chef d'état général des armées, chef d'état-major. Qui a pris ce communiqué qui dit que ceux qui vont fuir devant l'ennemi, on va les radier. Voilà, c'est comme ça. Il faut foncer. Si, parce qu'on sait qu'avec le terrorisme, c'est difficile. Voilà, les gens étaient en train de débattre là-dessus. Ils disent vraiment, c'est pas normal. Parce que souvent, ces gens, ils n'ont pas d'armes. Mais quand on choisit l'armée, on a choisi. On n'a plus le choix. Donc, c'est leur règle comme ça. Voilà, il ne faut pas capituler. Voilà. Même si vous êtes dans un avion de guerre, de combat, quand c'est chaud, il faut avoir épuisé tout ce qui est dans l'avion, comme missiles et autres. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne doit pas jusqu'à la dernière minute. Voilà. Le tribunal militaire est souvent exigeant. Ils arrivent à voir est-ce que c'est jusqu'à quand est-ce que tu as capitulé ou bien tu as... Voilà. Et on va te dire tu as capitulé avant le temps. Il n'était pas encore le temps de capituler. Et toi, tu as renoncé. Donc, tu es condamné. Voilà. Donc, en tant que soldat de Christ, on doit être demeuré ferme. Voilà. Parce que la foi en Christ, la seule foi que nous avons, nous devons garder et nous devons persévérer, demeurer ferme, avoir plus de fermeté. C'est pourquoi vraiment j'aime bien ce chant qui dit « Moi j'ai choisi Jésus-Christ et dans ma vie je ne vais plus reculer, jamais reculer, je vais toujours avancer ». C'est ça, il faut toujours avancer, demeurer ferme. On a choisi, on a choisi. Ceux qui ont choisi le diable aussi, bon. Voilà. Là-bas, il peut reculer. Voilà. Mais nous qui avons choisi Dieu, il n'y a plus de faire marche arrière. Il a aussi ordonné d'être courageux. Dans la version lui, c'est bon, on dit soyez des hommes. Voilà, on voit que dans le français courant, là-bas c'est un peu clair. Par exemple, soyez des hommes, ça, bon. C'est pour dire que les femmes ne sont pas courageuses ou quoi. On sait. Bon, mais je n'ai pas de courage, c'est les hommes. Hein, parce qu'on est courageux, on est prêt à tout. Voilà, surtout quand un garçon aime une femme. Hein, vous voyez le courage qui est là. Voilà, le courage est là. Il voit, même quand les difficultés sont là, non. Lui, c'est sa dulcinée là, c'est ça qui compte seulement. Sinon. Voilà. On me racontait, il y a une histoire dans l'ancien temps, un jeune homme qui est allé chez sa copine. Voilà. Vous savez, dans l'ancien temps, il y avait, je ne sais pas comment je vais appeler, ces gens des perchoirs où on déposait les lampes traditionnelles dessus. Mais quand on vient, le bout est pointu, il faut fixer ça au sol. Donc quand on vient, il faut fixer, voilà. Quand ça s'est fixé au sol, on dépose maintenant la lampe en haut pour éclairer. Et ce jeune homme est allé chez sa dulcinée. On est sorti, c'était dans la nuit noire. On est sorti avec ce truc-là. Son pied était là. On a enfoncé dans son pied. Mais on n'a même pas su. Il n'a même pas fait de. Il n'a pas dit hi, il n'a pas crié. Voilà. Donc je me demande, est-ce que les garçons d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire ça? Je me demande si c'est à notre époque. Il va crier, il va tellement crier, il va dire, peut-être que ça peut être la fin même de la relation. Il va dire c'est bon. Mais lui, on a enfoncé et puis la lampe était là, voilà, et puis il est assis jusqu'à le temps qu'il a fait, c'est à la fin qu'on a su, en ce moment même le sang coulait, mais il était là. Donc ça, c'est vraiment du courage. Voilà, c'est du courage. Voilà. Donc bon, c'est vrai, aujourd'hui, nous, je sais que les jeunes aiment dire que nous, à notre époque, peut-être l'amour est plus doux. Voilà, parce qu'on a des choses qui n'existaient pas dans l'ancien temps. Bon, je sais que quand nous, on était encore dans la flamme de l'amour, nous, il y avait les lettres qu'on s'écrivait. Voilà, aujourd'hui, il y a les portables, on ne s'écrit plus les lettres comme ça, il y a les portables. Voilà. Et je vous assure, Antoine, moi je pense que les lettres c'était plus intéressant que les portables. Parce que les lettres n'ont pas bien rangé. À chaque jour, tu fais une sortie pour voir les mots qui. Voilà. Donc tu lis à chaque fois, voilà, les mots qui sont. Voilà. Donc c'est pour dire que chaque époque a eu à manifester bon, leur manière de vivre leur amour parce que. Voilà, vous voyez ce gars, bon, c'est leur manière aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas à crier. Mais c'est que si c'est nous, c'est sûr qu'on va crier. Il va dire même, amenez-moi vite à l'hôpital. Et puis voilà. Donc, dans la foi, il faut que nous ayons du courage. Il faut que nous ayons du courage. Même quand c'est dur, si tu n'es pas courageux, tu vas abandonner. Mais jamais. Il ne faut jamais abandonner, il faut s'armer de courage. Voilà. Il faut être un homme, comme on le dit, être un homme. Voilà. Parce que nous aimons Dieu qui nous a sauvés, Christ qui nous a sauvés, qui a tout fait pour nous. Il a payé un grand prix. Voilà. Nous ne pouvons jamais finir de le remercier parce que il a dit que c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà. C'est lui vraiment qui est animé d'amour. Voilà. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour. Et c'est vrai, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc, restons courageux. Et il termine en disant, soyez forts. Voilà. Ça, c'est pas la force physique, mais c'est la force spirituelle. Parce que notre force physique, là, ça ne peut rien faire. Nous sommes dans un cadre spirituel. Il faut la force spirituelle. Voilà. Si nous n'avons pas la force spirituelle, ça sera difficile. Voilà. Parce que, rendez-vous compte, quand on est souvent découragé, même, on est abattu. Les gens, quand ils entendent quelque chose, quand il y a une nouvelle auquel ils ne s'entendaient pas, s'ils sont découragés, quand ils se lèvent, ils veulent tomber. Parce que ça te dépouille de ta force. Donc, mais quand mentalement on est fort, quand au niveau de l'esprit il y a la force, vous voyez, le physique répond. Mais quand notre esprit est vraiment bouleversé, il y a des problèmes, vous voyez, ça joue sur le physique. Voilà. S'il y a de la tristesse, on va le sentir, par exemple, le visage va commencer. C'est la chair qui est le reflet de ce qui se passe au niveau de notre corps. Voilà. Donc si ça va, si là, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, ça va, vous allez voir le visage est rayonnant, on rit. Mais quand c'est bizarre, vous allez voir le visage moisi. Et souvent, tu dis, ah, mais mon type, il y a quoi? Voilà. Parce que on voit ça. Donc, pour être fort spirituellement, il est recommandé dans Éphésiens 6, versets 10 à 12. Nous n'allons pas lire, vous pouvez lire ce texte à la maison. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens et il leur dit de se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voilà. Il dit de prendre toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà. Donc, c'est les armes spirituelles qui vont faire notre force. Voilà. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il faut qu'on s'arme et des armes spirituelles pour être fort. Voilà. Parce que c'est un combat spirituel, voilà, que nous menons. Et remarquez, c'est celui qui est bien armé qui est fort. Voilà. Même quand on prend dans le naturel, vous allez voir un gars mince, fingal, qui est là. Et puis vous allez voir un homme comme Iron Bibi. Vous connaissez Iron Bibi? Celui qui est le champion mondial, le Burkinabé champion mondial en. C'est power quoi. Bon, ils ont un terme bizarre. C'est pour dire celui qui a la force, qui peut tirer souvent des camions et autres. Voilà. Donc il est vraiment fort. Mais vous allez voir un type comme moi. Si j'ai un pistolet, lui n'a pas de pistolet, même s'il est fort, je le laisse à 10 ans et puis je le descends. Il ne pourra même pas. En venant, si je le mets des balles, je le clipe des balles, c'est fini. Quelle que soit sa force, il ne pourra rien. Donc il faut des armes. Et remarquez, dans notre monde, les pays qui sont bien armés, même si c'est un petit État, ils sont puissants, parce que c'est les armes. Voilà. Et l'apôtre Paul dit, il faut avoir les armes. Voilà. Les armes spirituelles, parce que si tu as les armes spirituelles, ça va te fortifier, ça va te rendre fort, et tu pourras tenir devant l'ennemi. Voilà. Mais si tu n'as pas ces armes, ça sera difficile. Voilà, que tu puisses être fort. Donc, il recommande aux Éphésiens de prier. Il faut prier pour s'armer, pour avoir ses armes. Ces armes spirituelles ont été citées, voilà, dans le passage. Donc, n'allons pas revenir sur ça. Donc, la deuxième partie, je ne vais pas être long. Là-bas, il dit, agissez en tout avec amour. Agissez en tout avec amour. Tout ce que nous faisons, c'est l'amour. Ici, il faut voir l'amour. C'est l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Voilà, c'est les deux. Voilà. Donc, Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, voilà, de toute ta pensée. Voilà. Et il a dit, le deuxième qui est le plus grand, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, c'est soit par amour pour Dieu, ou bien par amour pour notre prochain. Et l'apôtre Paul a dit, même si tu as les dons spirituels, puis il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut que tout cela soit fondé sur l'amour. Voilà. Donc Jésus aussi a dit, et si nous disons que nous l'aimons, l'amour pour Dieu, c'est de garder les commandements de Dieu. Voilà. Si tu dis que tu aimes Dieu, il faut garder ses commandements. Si tu ne gardes pas ses commandements, ça signifie que tu ne l'aimes pas. Donc cet amour se manifeste par le fait de garder les commandements de Dieu. Donc je sais que dans Luc 2, on a parlé de charité, voilà, mais c'est la même chose. Voilà, que l'on parle de charité, dans le français courant, on parle d'amour. Voilà. La charité, je dis que c'est la même chose parce que les dictionnaires définissent ça comme l'amour que l'on ressent pour Dieu et pour son prochain. Donc, ça revient à la même chose. Donc, voilà des commandements que l'apôtre Paul avait donnés, voilà, à ses Éphésiens face à toutes ces situations difficiles, ces tribulations, voilà, ou bien ces influences philosophiques, voilà, auxquelles l'Église était exposée et qui jouaient sur la foi de ces chrétiens. Donc, il a écrit, voilà, et ce qu'il donne comme ordre, c'est pour les aider, voilà, à pouvoir tenir ferme. Donc, comment est-ce que nous pouvons appliquer ça de nos jours dans notre vie? Voilà. Comme je le disais tantôt, voilà, nous avons beaucoup aujourd'hui, nous sommes influencés par pas mal de choses, voilà, qui jouent sur notre foi. Voilà. Donc, nous devons veiller. Nous devons veiller. On sait qu'à l'église de Corinthe, quand il a parlé de mariage, c'est parce qu'il y avait l'immoralité. Alors, il y avait l'immoralité. De nos jours aussi, nous aussi, on subit ces genres d'influence. Voilà. Le monde tente de rentrer dans l'église, mais disons que le monde même est rentré dans l'église. Voilà. Alors que c'est nous, on doit impacter le monde. Voilà. Donc de nos jours, je pense qu'il y a, il y a la doctrine de la polygamie qui est en train de gagner du terrain. Dans des églises, on dit voilà. Est-ce que dans la Bible même, c'est écrit qu'on doit prendre une seule femme? Il faut me montrer. Effectivement, c'est difficile de montrer. Voilà. Et on s'appuie sur ça, et, alors qu'on est en train de dévier. Voilà. L'apôtre Paul a dit que chaque homme est sa femme. Voilà, et chaque femme son mari. Peut-être s'il était là, il devait écrire à ces églises qui sont en train de promouvoir cette doctrine. Mais il n'est pas là, il a écrit. Donc c'est à nous, voilà, de pouvoir, en tout cas, obéir à cette parole de Dieu en veillant et en restant ferme. Voilà. Il faut de la fermeté. Il y a aussi de nos jours, on voit, j'ai entendu, ce sont des nouvelles qui m'ont bon, en tout cas, ça m'a affligé parce que quand on était allé au mariage de Léa et Prosper en août, donc on était à la mairie et j'étais en train d'échanger avec le beau à Joana, M. Dakio. Donc il a dit que vraiment le GB n'est plus comme à vous voir tout le temps. Voilà. Il a dit qu'il est allé, ils ont convoqué une rencontre parce qu'il y avait eu pas mal de difficultés au sein des GB. Que ce soit les GBS, les groupes bibliques scolaires ou même les groupes bibliques universitaires. Voilà. Il y a eu des cas d'avortement, des cas de suicide. C'est des choses auxquelles on ne pouvait jamais penser que ça peut arriver. Voilà. Comment est-ce que des enfants de Dieu, on tombe dans ces genres de choses? Voilà. Des gens qui sont censés impacter le monde, l'environnement scolaire et universitaire. Voilà. J'ai dit même l'avortement, même ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais je ne m'attendais pas au suicide. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on s'est dit que c'est nous qui avons les ressorts les plus solides pour encaisser tous les coups que nous subissons dans notre vie sociale. Mais si vous voyez, bon, la dernière fois quand je suis venu à la prière du Fremont, je pense, René a dit, je ne savais pas que c'est eux, c'est dans leur promotion, une étudiante s'est suicidée, on a trouvé son corps, c'était hors de Ouara. Elle était dans le GBU. Voilà. Donc, on se pose comment est-ce que ça s'est passé. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il faut veiller. Il faut veiller et prier. Parce que ce qu'on pensait que c'est loin, ces phénomènes-là, ça peut arriver. Et il faut veiller et demeurer ferme. On a parlé d'une église aussi où c'est une grande église de la place. Où on avait une grande chanteuse, voilà. Vraiment, elle chantait bien. Voilà. Et un jour, brusquement, elle est décédée. Voilà. On cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. On fait des enquêtes. Ensuite, on allait tomber sur là où elle est décédée. Le médecin a fait une confidence. Elle dit qu'elle avait avorté. Et elle est décédée. Voilà. Elle était, je pense qu'elle était même là, elle était dirigeante du groupe musical même. Donc vous voyez comme ça, on a perdu une grande. C'est une perte. C'est une perte parce que on met fin, c'est fini. Son ministère est fini et c'est fini de la mauvaise manière. Et le médecin a dit que ce n'était pas la première fois. D'ailleurs, c'était la troisième fois. Donc, vous voyez, il faut veiller. Elle a fait une première fois, elle a échappé. Il fallait veiller et demeurer ferme dans la foi. Renoncer, faire marche arrière. Parce que la voie qu'elle a empruntée n'était pas bonne. Mais elle a manqué de veiller, de garder. C'est pourquoi l'apôtre l'a dit à Timothée, veille sur toi-même. Si, en tant que chrétien, si tu ne veilles pas, c'est vrai, on prie, mais il faut veiller sur toi-même. Bah, si elle avait veillé, voilà. Des choses même que le monde n'accepte pas, pourquoi nous, les chrétiens, nous allons l'accepter? Donc, on fait face à toutes ces choses. Donc, on doit prendre vraiment en considération ces commandements que l'apôtre Paul nous donne là, de veiller. Parce que l'ennemi est là, l'ennemi te connaît. Cette chanson-là, elle chantait. Satan sait ce que ça faisait dans le royaume de Dieu. Il a tout mis en œuvre pour pouvoir la détourner et la faire tomber de la mauvaise manière. Donc Satan te connaît, il sait ce que tu es en train de faire. Quand tu n'exprimes pas ce que tu veux, c'est pas grave, mais quand il agit et puis il voit, il commence à attaquer. Voilà. Donc nous devons veiller, voilà. Nous devons demeurer fermes, voilà, pour ne pas tomber dans la tentation. Et aussi quand il a dit, on doit tout faire sur la base de l'amour. L'apôtre Paul a parlé de ce que c'est que l'amour. Il a dit l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. De nos jours, on a des difficultés à l'église, des gens qui ne sont pas prêts à se pardonner. Il y a une dame qui était malade, elle a passé par tous les grands hommes de Dieu. On a prié, mais en vain, rien. Et elle a, un jour, elle a rencontré un homme de Dieu. Dieu lui a dit, non, il ne faut pas prier d'abord, elle a un problème. Elle a refusé de pardonner à un homme. Et quand on a demandé, elle a dit non, elle ne peut pas pardonner à cet homme. Il lui a fait trop de mal. Et on lui a dit, ah, c'est la condition. Dieu a dit, il faut que tu pardonnes. Elle a pleuré, pleuré, pleuré, mais elle a pardonné. Et quand on a prié, on n'a même pas prié, on a prié pour elle. Et quand elle a pardonné, la maladie a commencé à partir et elle est guérie. Voilà. Donc, si on est là, enfant de Dieu, il faut qu'on ait l'amour. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se supporte les uns les autres. Et aussi, il faut se donner. Quand on aime, on se donne. J'ai parlé de ce gars-là. Quand on aime, on se donne, même quand c'est dur. On a planté dans son pied, mais c'est parce qu'il aimait qu'il a supporté. S'il n'aimait pas, ce n'était pas sûr qu'il allait faire ce sacrifice. Voilà. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, acceptons des sacrifices, acceptons supporter. Et même que ce soit notre, le don de soi ou bien le don du matériel, même de nos moyens, on doit être prêt. Voilà. On a donné un témoignage. Un homme, Antoine, il était riche, très riche. Mais quand il vient à l'église, au moment des dîmes et aux offrandes, il danse, il part mettre. Donc ceux qui sont là, les chrétiens qui sont là, ils disent, oh, ah, pour nous c'est foutu. C'est eux qui ont l'argent, chaque jour ils partent mettre. Donc il y a des gens, souvent, vous savez, quand les gens mettent et puis vous êtes là, et puis vous n'avez rien, souvent c'est difficile. Surtout les assemblées où on dépose le panier devant, tout le monde se lève. Quand tout le monde se lève, les gens viennent, si tu ne sais pas qui est assis, tu es gêné. Bon, tu es obligé aussi souvent de te lever pour suivre le groupe, même si c'est 25 francs que tu vas venir mettre, c'est que si personne n'a vu. Voilà. Donc, quand le gars, il danse et puis il vient mettre. Je vous ai dit que tout ce qu'on fait, Dieu regarde, les anges sont là, ils écrivent tout. C'est-à-dire, nous sommes dans l'église, tout le comportement qu'on fait, tout est noté. Parce qu'il doit rendre un rapport. Donc, je pense que les anges, on savait tout ce que cet homme-là faisait. Donc, un jour, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est l'ange qui a dû mettre son pied pour le tacler un peu. Voilà, donc il a trébuché, on ne sait pas comment, en dansant, il a trébuché, il est tombé. Il était en boubou, bien brodé, et puis voilà. Et quand il est tombé, on a entendu ça faire « parrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr c'était 25 francs. C'est 25 francs qu'ils venaient pour mettre. Voilà. Et chaque jour, les gens pensaient, non, c'est de l'argent, ils viennent. Mais comme on ne voyait pas sa main, donc mais Dieu, voilà, Dieu l'a rencontré. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose contre, tu penses que tu es en train de mettre à de plein Dieu là, il faut l'attendre sur ta voix. Il va te mettre à nu devant les gens. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Depuis ce jour, je pense qu'il a été délivré comme ça. C'est sa délivrance. Voilà, il va faire. Parce qu'il ne donnait pas ce qu'il devait donner. Or, on disait qu'il était riche. Voilà. Donc ce qu'il donne, c'est superflu. Voilà. C'est pas ce qu'il doit donner. Au moins, le dixième, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais lui, il ne donnait pas. Voilà. Et il dit qu'il l'aime. Voilà. Quand on aime Dieu, on donne. Parce que l'amour, là, ça suppose qu'on se donne. Et on se donne soi-même et on donne ses biens. Voilà. Donc, voilà un ensemble de choses auxquelles je voulais partager avec vous ce matin. Voilà. Pour que, en tout cas, nous restons fermes, nous veillons pour ne pas tomber dans la tentation. Nous demeurons fermes dans notre foi, que nous soyons courageux et forts, et que nous posons tout acte sur la barre de l'amour, l'amour pour son prochain et l'amour pour Dieu. J'ai écouté un témoin où on disait, par exemple, si tu donnes quelque chose à quelqu'un à contre-cœur, dans le ciel, il y a des poubelles là-bas. On jette dans une poubelle. Voilà. Il y a quelqu'un, il a eu une révélation, il a demandé à Jésus. Il avait donné un habit à quelqu'un et il a vu, il y avait des poubelles. Il a demandé, Jésus a dit qu'ici c'est des poubelles. Et il a vu l'habit qui était déposé là-bas. Il a dit, mais ça c'est mon habit là. Jésus a dit, oui, c'est ton habit. Il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que ça fait ici? Il a dit, c'est quand tu donnais, tu avais donné de tout ton cœur. Voilà. Donc quand tout ce qu'on donne, si ce n'est pas de tout notre cœur, on jette ça dans la poubelle au ciel. Voilà. Donc faisons attention. Si on n'est pas prêt, si ça a contre-cœur, mieux vaut garder. Sinon, quand tu donnes, sois libre. Donne avec voilà, une certaine liberté et voilà, avec un cœur ouvert. Donc vraiment, que Dieu nous aide. C'est le commandement que l'apôtre Paul a ordonné à ces chrétiens de Corinthe, que nous aussi, nous pouvons garder ces commandements. Pour pouvoir triompher. Voilà. Parce que notre monde est gâté. Voilà. C'est vraiment gâté parce que l'ennemi, c'est les derniers temps. L'ennemi fait tout pour pouvoir avoir des âmes. Voilà. La dernière fois, on me parlait, il y a Céline Dion qui a créé une marque de vêtements, Nouvelle Ordre, et c'est pour les enfants. Voilà. Et c'est des païens qui ont commencé à critiquer hein, et qui ont commencé à dire, parce que la publicité, quand on donnait, en regardant la publicité, c'est une publicité satanique. C'est comme si tous ceux qui vont porter, il y avait une marque dessus. Voilà. Et les gens ont analysé, on voit que non, c'est pour consacrer les enfants voilà, à l'ennemi. Parce qu'on sait que au départ, elle m'a dit que les enfants, c'est la base de tout, c'est vrai. Les enfants, c'est la génération future. Voilà. Si on arrive à les avoir, c'est fini. Voilà. Donc, les parents, veillons sur nos enfants. Voilà, veillons sur nos enfants. Tout ce qu'on perd pour les enfants, il faut sanctifier. Voilà, parce que l'ennemi passe par là pour les avoir. Voilà. Donc, prions aussi pour eux. Prions les uns pour les autres. Voilà. Parce que l'apôtre Paul dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Voilà. Donc, prions les uns pour les autres. Voilà, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous soutienne. Que nous restons courageux et que nous restons forts. Et que nous agissons en toutes choses avec amour. Que Dieu nous bénisse. Amen.